turquoise, des sœurs siamoises font se pâmer tous les damnés qui tous les soirs au fond du bar reviennent braver la nuit tombée. Les yeux turquoise des sœurs siamoises sont comme de phares où viennent s'échouer tous ces messieurs dans le brouillard venus braver leurs yeux bridés. Les yeux turquoises des sœurs siamoises ont vu passer tous nos aînés qui tous les soirs venaient les voir, les yeux hagards pour se marier. Les yeux turquoises des sœurs siamoises sont un bouquet de fleurs fanées. Les yeux turquoises des sœurs siamoises sont un bouquet de fleurs fanées. D'avoir trop souvent vu passer les mêmes histoires, le bien, le mal, qui tous les soirs au fond du bar reviennent braver leurs yeux glacés. Les yeux turquoises des sœurs siamoises sont un bouquet de fleurs fanées. Les yeux turquoises des sœurs siamoises ne sont pas de ceux qu'on apprivoise. Les yeux turquoises des sœurs siamoises sont un bouquet de fleurs fanées.